Du coup, ouais. Non, je crois que c'est que ça se passe. Qu'est-ce que c'est que ça? Micro ouvert. Bazar, ici, là. Maman, du pantalon, s'il vous plaît. La radio est ici présente. Bonjour, monsieur. Spectateur. Bonjour, les amis, ça va? On a des chocottes? Je vous présente ici ma collaboratrice Graziella Vallo, une éminente radiophoniste, une personne de très grande qualité, une personne, d'ailleurs je vous demande un grand applaudissement, car c'est elle, voilà, donc voilà. Voilà, donc aujourd'hui c'est le grand jour, je me permets de me déshabiller, j'espère que vous avez bien préparé votre... Les grands endormis. Voilà. J'espère que vous êtes bien réveillés. Je vous demanderai d'un peu ébrouiller vos petites voix, histoire de, vous savez, un petit voilà. Parfait. Ce que je voulais vous dire donc, c'est qu'aujourd'hui est un très grand jour. Asseyons-nous, car nous allons donc pour la première fois de votre vie, peut-être la dernière, c'est possible, prendre la parole dans une émission radiophonique dont vous êtes le sujet. Qu'est-ce que cela signifie? Et qu'est-ce qu'un sujet? Qu'est-ce qu'un sujet? C'est quelqu'un. Quelqu'un. Et qui? Quelqu'un? Je dis qu'est-ce qu'un sujet? Qu'est-ce qu'un sujet? Quelque chose, j'avais dit quelqu'un. Quelqu'un ou quelque chose? Quelqu'un ou quelque chose? Bon, allez, Noémie, démarre. Très bien. Ça te fait. Hein. Donc, je vous disais simplement, si vous êtes le sujet de cette émission, d'accord? C'est parce que c'est vous qui devez prendre la parole. C'est vous qui êtes des sujets. Dans la vie, ou nous sommes des sujets, ou nous sommes assujettis. Si nous devenons assujettis, nous devenons des objets. Est-ce que vous comprenez? Non, vous ne comprenez rien, c'est normal. C'est un petit peu au-dessus de votre niveau intellectuel. Très bien. Nous allons aujourd'hui discuter de quelque chose qui nous passionne, la démocratie. Alors, pensez un petit peu, chacun pour vous, qu'est-ce que le mot démocratie évoque pour vous? Chaque fois, une personne à la fois donne son un mot comme ça qui lui fait penser à la démocratie. Très bien. Le Graziella va faire un petit tour pour que vous puissiez dire chacun à quoi vous fait penser le mot démocratie. Oui, démocratie, la première idée qui vous vient. La loi. Okay. Opinion. Je ne sais pas. Sarkozy. Je ne sais pas. Justice. La loi de parole, la... Guy Verhofstadt. Vote. Parole. Je sais pas. Je sais pas. Les ministres. Élection. Je sais pas. Je sais pas. Ça veut dire quelque chose. Non. Je sais pas. Échevin. Décision. Anti-tyrannie. Société. Je sais pas. Je sais pas. Gouvernement. La justice. Très bien. Comme ça, on prend un petit peu le topo. Un deuxième petit tour. D'après vous, le contraire de la démocratie, ce serait quoi? La destruction. Le crime. Je sais pas. Le contraire de la démocratie. Prison. Je sais pas. Plus de flics. Voler. Guerre. Tu dis? Non, je dis, ils le connaissent. Il y a un mot précis qui désigne le contraire de la démocratie, qu'ils connaissent tous. Il y en a plein, hein, oui. Il y en a beaucoup, allez. Il n'y en a pas qu'un. Je sais pas. L'injustice. Je sais pas. Le contraire de la démocratie. Le mensonge. Je sais pas. Non-respect de l'environnement. Je sais pas. L'anarchie. On a déjà dit. On a déjà dit. Oui, Louise l'a dit. Et c'était quoi? La... Allez, je sais plus. Je sais pas. Voilà. Le Capharnaüm? Je sais pas. Bon, donc, nous vivons tous dans une démocratie, d'accord, hein? C'est-à-dire que nous vivons tous dans une démocratie, mais nous vivons tous aussi dans le contraire de ce qui s'appelle la démocratie, c'est-à-dire la tyrannie, quoi. C'est-à-dire qu'on vit toujours une chose et son contraire à la fois. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Donc, on peut dire, nous sommes dans un état de démocratie, bien sûr, sur certains points de vue, d'accord? Sur d'autres, on pourrait dire que nous ne sommes pas forcément dans un état de démocratie. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Justement, je voudrais vous demander à tous des exemples concrets au quotidien, vous, dans votre vie quotidienne. Quand est-ce que vous avez l'impression d'être en démocratie? Qu'est-ce qui vous donne l'impression de vivre de la démocratie, de la loi, de l'opinion, de la justice, de la parole, du vote, des élections, de l'anti-tyrannie, de la société, du gouvernement? Quand est-ce que vous avez l'impression de vivre dans la démocratie? Regarde, j'ai perdu mon petit micro. Je sais pas. Tu sais pas? Moi, si je peux donner un exemple, tantôt, ce matin, en classe, vous pouvez demander à chacun d'entre eux, ont vécu une situation concrète de démocratie. Donc, demandez-leur peut-être, ils sauront sûrement vous répondre. Tantôt, lors de notre discussion. Grosse canadienne. Quoi, grosse canadienne? Bah, c'est parce qu'en fait, comme on est obligé d'aller à Bruxelles, on ne peut pas faire notre finale et tout le monde est très déçu. Tu dis? Il y en a même qui ont chialé. Ah ouais? Qu'est-ce que M. Janssen a fait avec vous tout à l'heure? Ouais. Parler. Et il a parlé de quoi exactement? De que... Quelqu'un peut dire qu'est-ce qui... Que c'était mieux d'aller à Bruxelles. Et toi, t'en penses quoi? Que... T'es d'accord avec ça? Bof. Pas du tout. Il a fait le possible. Ah, alors là, c'est super, on a une bonne idée. Il a fait le possible pour qu'on essaye d'aller à la crosse canadienne, mais... Pas marché. Ouais. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Qu'est-ce que tu dis? Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose? Quelqu'un peut expliquer alors un petit peu ce qui s'est passé? Alors, il faut savoir vite que l'école les élèves viennent d'une école à Mongodine, c'est près de Namur. C'est genre 70 km de Bruxelles. Donc, il a fallu faire un choix. Et le plus raisonnable était d'aller à Bruxelles. Parce que la crosse canadienne n'était pas prévue depuis assez longtemps. Et puis aussi, la crosse canadienne, on avait fait deux équipes. Il n'y en a qu'une qui était qualifiée. Ça ne concernait donc pas tout à fait toute la classe. Et puis aussi... Ta voisine qui dit... C'est pas d'accord avec toi. Mais si, on avait dit que ça concernait toute la classe, hein, Louis. Mais oui, je sais, mais tu vois, ils sont supporters, ils jouent pas directement. Ça leur... C'est toute la classe qui est considérée dans une petite classe. Elle voulait parler. Non, mais je laisse là-bas. Mais on avait dit, madame nous a bien expliqué, donc la prof de gym, que c'était toute la classe qui était qualifiée, même si les autres sont supporters. Même. Enfin bon, c'est, enfin, mais en même temps, pour aller à Bruxelles, donc j'en reviens à Bruxelles. C'est ça le... C'est ça le... Si je comprends bien votre histoire, il y a moyen d'aller à Bruxelles, au Parlement, visiter le Parlement et d'aller... Non, il n'y a pas moyen. Justement, on peut pas aller à la crosse canadienne. Ils ont fait le maximum et on ne sait pas. Ils ont fait le maximum? Monsieur et Madame Griselin ont fait le maximum. Et ils ont pas, enfin, on n'a pas réussi, quoi. Donc, on a choisi la démocratie parce que ça faisait plus longtemps et d'autres raisons. C'est pas très clair ce que vous racontez, là. Je comprends pas grand chose. Oui, mais à Bruxelles, on peut y aller en humanité. Bon, moi, je recommence un petit peu pour comprendre, hein. J'essaye de faire l'auditeur qui est là, occupé à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Vous me dites si je me trompe. Le même jour se passent deux événements, c'est ça? Oui. Et donc il y a moyen d'aller à Bruxelles et en même temps de faire votre sport de crosse canadienne, d'accord? Et là se pose la question... La finale. Oui, la finale, la grande finale. Et évidemment, ici, dans la classe, il y a peut-être deux voies pour dire, tiens, qu'est-ce qu'on préfère, aller soit à Bruxelles, soit faire la finale, c'est ça l'idée? Et comment s'est passé le choix? Comment ça s'est passé? C'est monsieur qui a décidé. Vous disiez que c'était une démocratie. Ah oui, bah. C'est pourquoi la démocratie? Attends. Est-ce qu'on s'amuse? Donc, vous disiez qu'un exemple de démocratie concret, c'était donc que vous aviez pu discuter du fait que M. Janssen prenait la décision tout seul. Oui, je vois. Donc, vous trouvez que c'était plutôt de la démocratie ou plutôt de la tyrannie? Tyrannie. Et quelqu'un peut expliquer pourquoi alors c'est de la tyrannie? Excuse-moi, je t'ai coupé. Quelqu'un peut expliquer? Donc moi je fais partie de l'opposition. Ça veut dire que moi je suis plus pour aller pour la crosse canadienne. Donc moi je reproche un peu que monsieur, oui, il a fait son possible pour changer le jour de la crosse canadienne, essayer d'arranger quoi. Mais il a choisi comme ça, on va à Bruxelles, mais il nous a pas consulté pour ça. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est plus de la tyrannie. Et quelqu'un d'autre pensait encore ici? Bah oui, ben c'est comme Anaïs, quoi, parce que monsieur nous a pas demandé notre avis, mais bon, il a quand même fait de son possible. Quelqu'un a quelque chose à rajouter là-dessus? Quelqu'un? Toi? Non, nos séances de gym. Allez-y. C'était la dernière année de notre prof de gym, elle aurait aimé qu'on réussisse la finale et tout le reste, pour qu'on lui fasse un cadeau à la messe. Alors, elle était vachement déçue. Tu veux dire que toi, t'étais plus aussi pour la crosse canadienne? Ah bah oui, j'ai même pleuré tellement que j'aimais bien. Mais c'est aussi un peu de la faute des organisateurs, parce qu'en fait, ils nous ont pas demandé si on était libre pour la finale, alors... Depuis le début que l'école fait de la crosse canadienne, on est à peine la troisième équipe à être... Aller aussi loin. Ah oui, donc c'est vrai qu'il y a donc ce problème-là. Et la décision a été prise, peut-être, comme les enfants l'ont dit, sans être consultés. Donc on n'a pas consulté les enfants. Cela dit, donc, ce que je voulais dire tout à l'heure, il y a eu une discussion ce matin à ce sujet. Et on a pu, chacun, chaque partie, je veux dire ça comme ça, a pu exposer ses arguments. Donc maintenant, je ne sais pas, les enfants, si vous voulez réagir par rapport aux arguments qui ont été dits. Quels sont les arguments qui ont été utilisés? On dit qu'on vit dans la démocratie. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Non, je n'ai pas envie d'aller au Parlement. Relance peut-être ta question. Alors pour toi, qu'aurait-il fallu faire pour que on soit en situation de démocratie? Puisque ici, d'après toi, nous ne sommes pas en situation de démocratie. On nous aurait consulté et on nous aurait demandé si on était dans... Ici, il y avait des bras levés pour expliquer c'est quoi alors... Comment est-ce qu'on aurait dû faire pour vous Voter, ça c'est sûr, c'est surtout un moyen radical. Mais moi je crois qu'on n'a pas voté parce que de toute manière la crosse canadienne l'aurait emporté, on est 24. Et ce que j'ai entendu ce matin, parce que c'était moi le porte-parole, il y en avait 23 qui voulaient aller à la crosse canadienne, donc sur 24. Il y avait quelqu'un qui avait levé la main ici, tantôt. Non, Elle l'a dit. Et donc, si on avait voté, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est la crosse canadienne qui l'aurait emporté. Alors, moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que la démocratie, c'est forcément faire ce que l'on a envie de faire? Non. C'est le droit de la parole. Voilà. La démocratie, est-ce que c'est faire ce qu'on a envie de faire? Par le vote ici, ce serait la crosse canadienne qui l'aurait emporté. Pourquoi? Parce que... La plupart des élèves, apparemment 23 sur 24, si pas 24 sur 24 maintenant, préféraient aller jouer la finale de la crosse canadienne. Mais est-ce que c'est ça la démocratie? Est-ce que une fois qu'on a envie de faire quelque chose, il faut qu'on puisse le faire? Sinon, on n'est pas en démocratie. C'est ça ma question. C'est un peu compliqué, mais en fait, c'est le pur hasard. Hein. Nous, on vient faire un atelier de parole sur la démocratie, et aujourd'hui, c'est marrant, quoi. Et pour vous aussi, c'est un peu le pur hasard. Le jour où vous devez aller discuter de la démocratie à Bruxelles, ce jour-là se pose un gros problème démocratique dans la classe. Donc, c'est vraiment formidable. On est en plein cœur d'un sujet d'actualité passionnant, quoi. Moi, j'en suis bouleversée, quoi. Je suis vraiment très contente. Donc, mais au résultat, monsieur dit, est-ce que la démocratie, c'est faire ce qu'on veut ? Est-ce que c'est exactement la même discussion ? Je ne sais pas. Oui, c'est comme si on parlait de deux choses différentes. Moi, ce que j'entends du groupe ici, c'est qu'il n'y a pas eu... Leur voix n'a pas été entendue, tu vois ? Maintenant, ça ne veut pas dire que si... On peut donner la parole au tyran. En fait, il y a le monsieur qui a décidé tout seul qui est ici. mais j'attendais un maximum de choses encore de la part de la classe. Donc voilà, nous ce qu'on entend, c'est qu'ici, il y a un groupe qui n'a pas été entendu, quoi, voilà. Et est-ce que vous dans les arguments qu'on vous a donnés à vous, pour vous dire, on va à Bruxelles, c'est mieux, il y en a qui vous ont convaincu ou bien aucun ? Des arguments. Personne a été convaincu par rien du tout, quoi. Il n'y a rien qui vous a... Ah oui. On disait que moi, j'étais dans l'objectif du truc parce que je posais des questions, mais ce n'est pas vrai du tout. Je pouvais poser des questions. On m'a même traité de traître. Mais je ne chiterais pas. Ah, t'es le seul qui venait à Bruxelles, peut-être. Ben non. C'était le seul qui était ouvert à écouter. C'est Joseph. Bah oui, on disait que j'étais dans l'objectif, mais moi, la démocratie... Bof. Il t'a dit tout à l'heure. Je ne sais pas, peut-être que les enfants pourraient essayer de rappeler les arguments qui ont été utilisés tout à l'heure et discuter à propos de ces arguments. Quels étaient les arguments utilisés par le tyran, je vais dire. Les arguments pourquoi faire, pourquoi dire. Pour dire on va à Bruxelles et pas à la crosse canadienne. Quels sont les arguments qui ont été utilisés? Il a dit j'ai fait mon possible, on a tout essayé, on va à Bruxelles, il n'y a rien. Concrètement. Ouais. On a fait depuis novembre. C'est en route depuis novembre. Voilà. C'est organisé. Mais en fait, il a dit que c'était Bruxelles, on avait déjà organisé depuis le mois de novembre. Et ça, on l'a pas su il y a pas longtemps, quoi. Il y a 2 semaines seulement. On a dû, pendant 5 minutes, parler entre nous. Et il avait déjà décidé, donc. Et alors, après, il est revenu avec monsieur le stagiaire, donc monsieur Olivier. Et alors, on a parlé et... Lucas a parlé et on n'était pas d'accord quoi sur le truc. T'as pas levé le bras là ? Non. Moi donc j'ai un peu parlé. J'ai dit que donc que monsieur avait essayé de faire son possible, mais que quand même il y a tout le monde qui aurait préféré faire la crosse canadienne. Donc maintenant on s'est tous contactés et il y en a 24 sur 24 qui sont pour la 23 quarts, comme dit Joseph, pour la crosse canadienne. Donc, s'il n'a pas fait de vote, à mon avis, parce qu'il allait savoir que c'est la crosse canadienne qui allait remporter. Il a surtout un petit peu insisté sur le fait de il faut faire des compromis, on fait pas toujours ce qu'on veut, il faut pas toujours faire ce qui est amusant, il faut pouvoir faire des trucs un peu assommants, quoi. En fait, comme monsieur disait, on devra faire des choix plusieurs fois dans notre vie. Par exemple, le Parlement et la finale de crosse canadienne. Mais c'est quand même une des premières fois qu'on va enfin. C'est la première fois pour nous qu'on va en finale à la crosse canadienne. Donc, pour tous les jours, on apprend des trucs. Ce serait bien d'une fois. En plus, à la crosse canadienne, on apprend des trucs aussi. Quoi, je veux mieux jouer. Mais nous, en fait, si on le fait, c'est surtout pour Madame Griselin, parce que comme c'est sa dernière année ici, on voulait lui faire un gros cadeau. Et on a été très déçus d'arrêter là, quoi. Et Madame Griselin, elle aussi. En fait, monsieur aussi voulait qu'on aille visiter le Parlement, parce que il voulait que ce soit une activité qui concerne toute la classe. Même si la crosse canadienne, moi, je trouve que ça concerne aussi toute la classe, parce que autant les supporters peuvent nous supporter et nous jouer, et la classe préfère la crosse canadienne, donc voilà. Mais on a dit. Bon, qu'est-ce qu'on fait là, parce qu'il y a... Ben, on donne la parole au tyran, hein. Ouais. Ah, je trouve. On peut y aller. J'ai qu'à m'asseoir, ça risque d'être long. Faut pas faire trop long. Hein. Voici le tyran. On parle de démocratie. Je crois que les arguments qu'on a développés tout à l'heure, vous les avez plus ou moins répétés dans la mesure où, effectivement, on se trouvait, après avoir essayé tant d'un côté que de l'autre, de pouvoir concilier les deux, donc de vous permettre d'aller à la crosse canadienne, dans la finale à la crosse canadienne et au Parlement à Bruxelles. Donc les arguments qui ont fait qu'à un moment donné, j'ai pris la décision, ben, vous les connaissez, c'est une question de réservation préalable. Donc l'activité à Bruxelles, elle est prévue, elle est planifiée, elle est organisée depuis le mois de novembre. Le deuxième argument était qu'effectivement, dans l'activité même, il n'y a qu'une demi-classe qui participe à la crosse canadienne, même si les autres sont supporters et qui peuvent y trouver leur compte aussi. Moi, je voudrais bien rappeler quelque chose que je n'ai pas soulevé tout à l'heure, parce qu'on n'était pas vraiment dans le débat démocratique, effectivement. C'est que la visite au Parlement, la visite à Bruxelles, l'organisation de cette activité, elle a été choisie par vous. Et je vous rappelle qu'au cours du premier trimestre, je vous ai proposé des activités en vous disant, tiens, est-ce que vous trouveriez cette visite-là, entre autres, intéressante? Et que je vous rappelle qu'à ce moment-là, la majorité de la classe était pour la visite du Parlement à Bruxelles. Tu ne savais pas, effectivement, que la finale de la crosse canadienne allait se passer à ce moment-là. Alors, je voudrais aussi revenir aussi en arrière sur une autre chose, et sur une peut-être antidémocratie quelque part. C'est que les activités de crosse canadienne, ou la finale de la crosse canadienne, elle est déterminée, donc la date est fixée depuis une quinzaine de jours, et que la date a été choisie de manière tout à fait antidémocratique. Ça veut dire que l'ADEPS n'a même pas consulté ou pris la peine de consulter les écoles pour voir si la date du 20 mars était une date qui pouvait convenir à tout le monde. D'où ma décision de prendre ici, de donner la priorité à l'activité au Parlement. En plus, je suis renforcé par l'idée que plusieurs d'entre vous posent la question et disent justement, c'est quoi la démocratie ? Ça justifie quelque part aussi, dans le cadre d'une activité d'apprentissage, notre visite à Bruxelles. Voilà ce que je voulais dire. Qu'est-ce que tu en penses ? Et vous n'êtes pas trop déçu de si. Pas... Bah oui, c'est ça, parce que monsieur est sportif. Hein. J'ai déjà vu courir là, dans les buissons. Il a l'air bien musclé. C'est vrai que je pense qu'il doit être un petit peu déçu aussi. Hein. C'est clair que bon, je me mets à leur place et je me mets même à ma place, où quelque part il y a une petite fierté d'avoir les élèves, même si je n'y suis pas pour grand-chose, dans leur préparation physique, et que c'est effectivement le professeur de gymnastique qui est, pour beaucoup en tout cas, dans l'apprentissage des tactiques, même si hein, parfois moi je leur apprends à faire le singe pour dérouter l'adversaire, ça marche toujours très bien. Mais c'est clair que lorsqu'on a une classe ou des élèves qui arrivent finalement à la finale provinciale, ben, il y a de quoi être fier et il y a de quoi aussi être déçu du fait qu'on n'ait pas pu trouver un arrangement. Et que la déception, elle est là pour moi aussi, quoi que certains puissent éventuellement penser. Mais, c'est, ouais. Oui. Mais c'est dommage que vous n'ayez quand même pas rencontré le groupe, qui n'ait quand même pas eu vraiment réellement... Je crois qu'on revient aussi à autre chose, c'est qu'effectivement, il y a un moment donné, est-ce que tous les choix faits doivent être soumis à la, au vote. Est-ce que chacun, à un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui sont déléguées quelque part, peut-être pas choisies, mais qui sont à un moment donné à une certaine place et que c'est leur rôle de prendre certaines décisions, quitte à déplaire à la majorité, voire à 23-24e des élèves présents, et que c'est pour moi en tout cas aussi difficile et même beaucoup plus compliqué de prendre une décision pour laquelle je sais bien que je vais m'attirer quelque part les foudres de la plupart des élèves. Maintenant, en attendant, la décision, elle est prise parce que quelque part, j'estime, dans le cadre de l'apprentissage dans une sixième primaire, que l'activité à Bruxelles a une certaine priorité. Voilà. Et maintenant, pour ce qui est de la finale, ça tombe à l'eau, c'est comme si c'était annulation, on annule, quoi. Oui, mais quelque part, ils vont rester sur un goût de trop peu quelque part, mais en même temps, ils vont rester sur une impression de force, puisqu'ils ont quand même terminé deuxième. Ça leur permet peut-être de faire toute une série de rêves quelque part qui ne seront peut-être pas accomplis, et se disant que, effectivement, lorsqu'on va devoir choisir quelque chose, ben, ça force à renoncer quelque part à d'autres choses qui sont peut-être plus agréables. C'est vrai que dans le cas de l'apprentissage, Lucas par exemple, ben, il y a des choses qui sont moins agréables, qui sont plus difficiles, et que là, c'est un petit peu mon rôle de titulaire de classe d'un moment donné tranché, quitte à me montrer désagréable. J'aime bien jouer l'avocat du diable, hein, mais ça fait aussi comme s'il n'avait pas été au bout de, oui. au bout de quelque oui. chose. Hein. D'accord, et c'est aussi pour ça qu'on a tout fait, et que mardi, la journée de mardi, pas dire l'entièreté, mais la plupart de la journée de mardi, ben, on l'a passé tant du côté du professeur de gymnastique que de la direction que de moi-même, à essayer de trouver des compromis, et à essayer de trouver un arrangement plutôt. Et donc, on a essayé de décaler l'activité de Bruxelles. J'ai téléphoné à certaines écoles de Bruxelles et de la région pour voir s'il n'y avait pas moyen de permuter les dates. À l'ADEPS, on a demandé pour essayer de changer la date, voire de les qualifier dans une autre province. Bon, finalement, on s'est retrouvé face à une impasse où il fallait bien choisir quelque chose. Et je me doutais bien que l'activité, si je la... Là, à ce moment-là, si je soumets l'activité au vote, c'est clair que... ils vont prendre l'activité de cross canadienne. Alors son argument de dire effectivement je ne l'ai pas soumise parce que je savais, ben, c'était même pas une question que je me suis posée. Je ne me suis même pas posé la question de savoir si je devais ou non proposer cette activité à la classe. Je savais dès le départ que je devais prendre la décision et que c'était mon rôle. Pourquoi ne pas d'abord avoir contacté Madame Griselin? Pourquoi ne pas, pardon ? Avoir contacté Madame Griselin. Écoute, Madame Griselin était à la demi-finale de la crosse canadienne. Et déjà à ce moment-là, et vous autres aussi d'ailleurs, hein, je vous signale que vous étiez prévenus que le 20 mars on partait à Bruxelles, même avant de jouer. Madame Griselin savait que le 20 mars on partait à Bruxelles. Et donc effectivement, quand on a eu l'heureuse surprise de vous voir qualifié brillamment d'ailleurs, c'est vrai que directement le problème s'est posé. Et que nous en avons parlé, que on est allé trouver directement les responsables de l'ADEPS pour voir s'il n'y avait pas moyen de trouver des arrangements. Effectivement, on se trouvait face à une impasse et eux devaient consulter des gens qui étaient au-dessus d'eux, donc leur chef, pour voir éventuellement quels arrangements étaient possibles. Donc c'est pour ça qu'on a retéléphoné le lendemain, le mardi. Dans le car aussi, j'ai réfléchi, ça me turlupinait, j'étais là trouver une fois ou l'autre, j'ai émis quelques possibilités de solutions. Et effectivement, il y avait peut-être un espoir que ça puisse fonctionner. Il se fait que mardi à 16h, ben, c'est tout. Tous ces espoirs-là s'étaient envolés et que là, il n'y avait plus de possibilités. Voilà. Donc, est-ce que vous avez d'autres exemples comme ça, de concrets, de ce que c'est ou bien la démocratie ou bien la tyrannie au quotidien ? Qui puisse me faire passer peut-être pour quelqu'un d'autre qu'un tyran quand même. Hein, parce que c'est peut-être le revers de la médaille. Hein. Je crois que le fait d'avoir ou de permettre justement des débats comme ceci, ben, c'est assez démocratique, me semble-t-il. Oui, c'est sûr. Alors, Ben, moi, je comprends, hein, parce que quand on regarde la politique et le vivre ensemble et les choix que les gens font au-dessus, enfin moi, dans ma vie au quotidien, bon, c'est comme ça. Ben, on est tous comme ça. On est confrontés à une loi qui est mise au-dessus par des gens qu'on ne connaît pas. On a l'impression de ne pas pouvoir avoir de prise là-dessus. Et en classe, avec ce que vous avez raconté, mais je comprends votre position, hein, ça fait un peu comme ça, c'est-à-dire un... Le monsieur, c'est lui qui a de toute façon pris la décision, nous, ça donne cette image-là quand même, hein, la politique. L'école, au point de départ, n'est pas une structure démocratique. Hein. Les enfants ne choisissent pas leur prof, ils ne choisissent pas... L'école est obligatoire, ils sont obligés d'y aller, ils se retrouvent dans une structure qui est imposée, il n'y a pas de choix au départ. Donc voilà, les chefs sont là, ils ne sont pas choisis, les chefs. Donc déjà, dès le départ, l'école... Peut-être, et je me demande si elle ne l'est pas souvent d'ailleurs, tyrannique. Je ne crois pas que ce soit le cas dans la classe ici. Même si, effectivement, parfois il y a certaines décisions, mais là, je crois aussi qu'il y a parfois certaines décisions qui doivent être prises par le responsable de classe et par le titulaire de classe. Comme je disais tout à l'heure, quitte à ne pas rencontrer l'aval de tous les élèves. C'est un petit peu notre rôle. Maintenant, il n'empêche qu'on peut les éveiller à la démocratie par d'autres choses, telles que par exemple le conseil de classe. On en a parlé déjà, parce que comme je suis arrivé un peu en retard, vous avez parlé du conseil de classe ? Donc on essaye quand même de mettre en place dans la classe, et ça se passe, je vais dire, relativement bien cette année-ci avec ce groupe-ci, un conseil de classe où certaines choses sont débattues avec, et peut-être que ceux-là peuvent prendre la parole pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne, avec deux élèves, hein, qui sont responsables de l'animation. Et un professeur tyran quelque part, qui se tait ou qui essaye de se taire. Mais je vous signale que depuis quelque temps, je parviens à me taire et à ne pas dire un mot pendant ce conseil de classe et à les laisser justement débattre de certaines choses ou de certains sujets. Mais je crois que les chefs, qui est-ce qui est ? Vincent et Chloé. Les autres qui l'ont déjà fait, hein, Joseph et Louise, hein, qui ont déjà été des animateurs du conseil de classe, avec sans doute une troisième équipe encore d'ici le mois de juin, ben peuvent en parler peut-être un peu plus. Je viens vers vous. Qu'est-ce que le conseil de classe ? Comment ça se passe ? Au début, on n'avait rien pour faire le conseil de classe. Au début, on devait garder ses idées pour soi. Et on devait les exposer au conseil de classe. Puis après, on a eu une idée de faire un tableau qui est là-bas. Sur ce tableau, on met nos idées et on en débat, on donne les idées. Par exemple, il y a là, ici, comme le voyage de fin d'année qu'on fait chaque année, on trouve des idées de partir au parc chaque année ou... Par exemple, et il y a, en fait, c'est en deux rubriques, idées et plaintes. Plaintes, c'est pour, par exemple, je sais pas, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Quand il y a quelque chose qui tourne pas rond, on se plaint, quoi. Et pour les idées, c'est des idées qu'on a et qu'on voudrait que ça aboutisse, quoi. Et donc, c'est toi qui as géré un peu le début, c'est ça. Avec Joseph. Il est où, Joseph ? Ah, Joseph, on t'a pas encore entendu, attends. T'expliques un peu, c'est quoi, de ton point de vue ? Rajouter quelque chose à ce que vient de dire Louise ? Non, j'ai rien à dire. Elle a à peu près tout dit. Mais c'est quoi un conseil de classe ? On est tous ensemble, et alors on prend des solutions, comme un peu le gouvernement. Mm-hmm. Et ça marche bien ? Oui, ça marche. Facile, ça va pour gérer tout ça ? Oui, ça va. Il y a aussi un problème pour le conseil de classe, qu'il y en a un qui embête l'eau, la menace habituelle, justement au conseil de classe, c'est tout de suite, c'est direct, dans la seconde qui suit. C'est seulement ça. Après, c'est seulement parce que il a touché son bureau, justement au conseil de classe. C'est bien, c'est pas bien. C'est pas bien, il faut discuter avant. Ils le mettent comme ça, sans savoir, après c'est eux qui sont à voir, et voilà. Et alors quoi, c'est discuté en conseil de classe, t'as touché mon bureau, et c'est discuté dans ce cadre-là alors. Et pas directement, c'est ça que tu veux dire ? Ah oui, pour pas nous marquer directement au conseil de classe, sinon... Il tape un petit peu la honte, celui qui vient dire au conseil de classe « Je plains parce que quelqu'un m'a touché mon bureau ». On a pas l'impression qu'il se fout un peu de la tête de la classe, de prendre tout le temps de tout le monde pour raconter des bêtises pareilles. Mais si on discute pas avant, le conseil de classe, il serait plein, il serait rempli, il faudrait deux tableaux, quoi, donc... Comme il y a un seul tableau, tellement qu'il y a de plaintes, il faudrait même écrire sur les murs. Plusieurs fois, on a déjà essayé de mettre au conseil de classe, discuter avant de parler, je ne vois que ça ne marche pas très bien. Tu veux dire discuter sur le moment même du problème plutôt que de le mettre en conseil, c'est ça ? Oui, voilà, c'est ça. Tu dis que ça marche moins bien de discuter sur le moment même qu'en conseil de classe ? Oui. Des fois, vaut mieux. Ouais. Des fois, vaut mieux résoudre, si on a un problème à deux, vaut mieux le résoudre à deux que devant la classe, quoi, parce qu'on peut très bien le résoudre à deux. Parce que oui, moi je rejoins un petit peu ce qu'a dit Anouk, parce que alors si c'est un problème, j'invente entre Benoît et Maximilien, eh ben ça intéresse eux, ils vont presque se battre pendant le conseil de classe, alors que les autres ils vont s'endormir, ils en ont rien à faire des problèmes de Maximilien et de Mathieu. Donc c'est pour ça qu'il faut mieux parler au conseil de classe, quoi. Mieux parler avant le conseil de classe. Quelqu'un a quelque chose à dire là-dessus ? Il vaut mieux parler tout de suite du problème, quoi. Écoutez, voilà. Je vous propose ceci. Bon, d'abord, je voudrais juste faire une petite parenthèse, parce que vous savez, notre tyran à côté de nous, je pense que j'ai envie juste un petit peu de défendre maintenant, une petite minute, mais parce que ça m'a touchée, c'est que, regardez, oui, je suis un traître, hein, peut-être, mais regardez, ce qui m'a touchée, c'est que ne pas prendre le beau rôle, hein, ne pas avoir le beau rôle systématiquement, parfois avoir un rôle pas très... hein, c'est pas spécialement agréable pour soi-même, quoi, disons. Hein, et quand on est fidèle parfois à des principes, de se dire, bon, ben voilà, ma règle de vie, c'est ça. J'ai rendez-vous avec quelqu'un, et ben je vais au rendez-vous, même si on me propose d'aller au cinéma, et ben tant pis, j'ai rendez-vous, je vais au rendez-vous. J'ai des règles de vie, bon, mais je pense que parfois, elles nous embêtent nous-mêmes, nos propres règles. C'est possible, ou elle nous empêche d'eux, mais on ne peut vivre qu'avec des choses comme ça. Et que ça rejoint presque une éthique de vie, quoi. Maintenant, ce que je trouve là où je trouve que la vie a été très injuste avec vous, et ça n'a rien à voir, et c'est que je trouve qu'on vous a dit, les gars, vous êtes les meilleurs, allez-y, cross canadienne, vous allez tous, on vous a fait croire aussi à tout l'importance de tout ça, et vous avez été, et puis d'un coup... c'est comme si tout ça ne comptait plus, que voilà, il y avait une chose plus importante. Entre deux importances, il y en a une qui a été... Et là, je trouve que c'est très injuste, parce que voilà, il y a deux choses qui ne vont pas ensemble. Voilà, ça c'est... Et je comprends tout à fait bien votre douleur. Maintenant, là, le choix, c'est des personnes hein, qui éduquent et qui disent, moi, j'ai des principes et je trouve que je dois montrer l'exemple de cette façon-là. Et ça, c'est les valeurs de ce monsieur que je ne discuterai pas. Vous comprenez ce que je veux dire? En dehors de l'aspect démocratique des choses. Hein. Maintenant, je vois qu'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose d'important. Oui, tu as... Oui. Bah, quoi bon avoir des règles de vie ou des principes si on les enfreint pas au moins une fois? Pas mal. Il dit, à quoi bon avoir des règles si c'est pas pour les enfreindre de temps en temps, quoi. C'est vrai que ben c'est assez joli, je trouve. Hein. J'ai une belle philosophie aussi, quoi. C'est-à-dire, on a des règles très strictes et puis de temps en temps, quand même, on se dit, allez, celle-là, je me la mets de côté. Ouais, ça se défend. Ben, en fait, monsieur n'est pas vraiment un tyran parce que il a fait ce qu'il fallait que... Pour pas qu'on soit vraiment déçus, il a essayé de sonner et tout ça, il a quand même marqué un point. Bon, c'est vrai qu'on a quand même essayé, il nous a encouragés pour aller en finale à la cross canadienne, mais sinon, moi c'est... Oh. Ok. Non mais c'est Lucas qui a dit que c'était un traître. Il y a quelqu'un qui veut lever son petit doigt. Il y a quelqu'un qui a quelque chose encore à dire pour clore ce sujet? Sinon, moi, je voulais vous dire quelque chose. Donc, nous sommes dans une démocratie, c'est ça. Donc, ça veut dire que, par exemple, il y a des gens qui prennent des décisions sans vraiment me consulter. C'est-à-dire que moi, je vote pour eux et puis après, c'est eux qui font comme ils veulent. On me demande rarement mon avis. Donc, parfois, je ne suis pas du tout d'accord avec certaines choses, des décisions qui sont prises par mon gouvernement. D'ailleurs, je ne les connais pas très bien. Vous êtes des enfants. Alors, les enfants, même dans le mot « enfant », ça veut dire « infant », celui qui n'a pas le droit de l'ouvrir, quoi. Infance, ça veut dire n'a pas droit à la parole, parce qu'il est encore un peu trop... C'est un petit peu ça que ça veut dire. Donc c'est très clair pour la démocratie. De toute façon, les enfants, ce sont des gens qui n'ont pas grand-chose à apporter au Schmilblick. C'est une chose sûre. Donc, vous qui êtes enfant et aujourd'hui qui avez la parole à la radio, à ce monde des grands qui nous gouvernent quand même, hein, nous sommes quand même les grands qui gouvernons, est-ce qu'il y a des choses quand même où vous vous dites, de votre regard d'enfant, vous vous dites, ça m'a l'air un peu bizarre, ce monde dans lequel on est, il y a des choses, je trouve, comme vous disiez, qui ne tournent pas fort rond, et j'ai des petites suggestions personnelles à apporter à nos premiers ministres, avec lesquels je suis en très bon terme, je dois vous le dire, donc j'irai leur parler de tout cela. Est-ce qu'il y a donc des choses, vous avez compris ma question, qui vous semblent ne pas tourner fort rond dans ce monde et que vous voudriez dire à nos dirigeants qu'ils pourraient un petit peu améliorer leur façon de gouverner? Des idées ou des plaintes? Dans votre vie de tous les jours, ramener les choses très simplement à votre vie de tous les jours. Hein. Des choses... En parlant de chef et tout, vous parlez de qui? Enfin, je veux dire de gouverneur ou des trucs dans le genre. Vous parlez de qui? Mais ça veut dire que, regarde, on vit dans une démocratie. Hein. cette démocratie, elle a un petit peu évolué, d'accord? C'est-à-dire qu'au départ... comment dire, il y avait, les femmes, elles ne pouvaient pas voter. Les riches pouvaient voter, mais pas les pauvres. Et puis, petit à petit, on a dit que tout le monde votait. Et puis, comme tout le monde s'est mis à voter, mais du coup, il y a eu des gens qui n'étaient pas d'accord. Il y avait des gens qui pensaient plutôt... on dit la gauche et la droite, par exemple. On dit la droite, la gauche, ça va être plus... oh oui, il faudrait que tout le monde soit égaux et que tout le monde ait de l'argent avec... vous voyez ce que je veux dire? De l'argent, que ce soit équitable, qu'on ne vive pas dans l'inégalité, qu'il y ait de la justice, etc. La droite, ça a toujours été un peu plus... si je suis... riche, j'ai envie de garder ma richesse. Si je... Vous savez, il y a toujours eu un conflit entre les riches et les pauvres, de toute façon, c'est comme ça. La majorité des gens... comment dire? Il y a des gens qui prennent des décisions pour plaire au peuple, d'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des gens qui prennent des décisions pour que tout le monde soit content. Le problème, c'est qu'il y en a toujours qui sont un peu plus contents que d'autres. Et il y en a toujours qui... Et alors, bon, mais ceux qui ont des sous, souvent, c'est eux qui arrivent à influencer un peu plus le bazar, quoi, et à dire, ben moi, j'ai autant d'argent, j'ai autant de trucs, j'ai envie de garder tout ça, alors mon vieux, tu t'arranges. Hein, et c'est souvent, il y en a quand même toujours qui sont un petit peu lésés dans l'histoire. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai pas bien répondu à ta question. Tu disais, qui dirige qui dans notre pays, c'est ça? Qui fait les lois? Quand je parle de dirigeants, je parle de qui? Je parle des gens qui fabriquent les lois ou qui changent les lois pour que notre monde avance, notre société, les règles de notre société évoluent, quoi. Mais comme je parle... Voilà, là je parle du monde des grands, quoi. Quand on décide, les décisions dans lesquelles... Vous êtes nés, on vous a dit c'est comme ça que ça se passe. Est-ce qu'il y a des choses avec lesquelles c'est comme ça que ça se passe? Les règles du monde des grands avec lesquelles... Vous n'êtes pas d'accord et est-ce que vous avez des suggestions à apporter? C'est ça que je voudrais que vous disiez, quoi. Vous comprenez? Alors, qui a des plaintes à faire, là, au niveau de la vie, comme ça, de... Non? Personne? Pas spécialement des plaintes non plus, mais des petites remarques ou... Est-ce que vous trouvez que notre monde tourne super bien? Vous vous dites ça, c'est le top. Ah oui, mais voilà, mais c'est ça, il faut parler de ça. À quoi bon ça s'appelle la démocratie si les enfants ils peuvent même pas parler beaucoup? On peut pas donner notre avis. Bah, on peut pas donner notre avis. Hein. Alors à quoi bon ça? T'aimerais bien voter, c'est ça que t'as dit? Oui. Ouais. Mais des fois on dit que c'est des affaires d'adultes et nous on aimerait bien savoir un peu ce qui se passe et tout ça. Et on dit chaque fois ça te regarde pas et voilà quoi. T'as une idée en tête? Non, pas vraiment. Ici, il y avait plein de doigts levés tantôt. Tout bien, déjà plus. Moi, j'avais une idée. J'aimerais bien que, par exemple, un jour, les enfants soient les adultes et les adultes soient les enfants. Pour comme ça, vous, les adultes, les plus grands, vous vous rendez compte de ce que c'est être un enfant. Même si vous l'avez été, hein. Oui, je sais, mais je veux dire... oui. La société de maintenant. Je dis De notre temps, parce que on vit pas au même temps, par exemple, nos habitudes sont pas les mêmes que les vôtres avant. Donc, comme disait Anouk, en même temps, quoi, je veux dire. Enfin, vous vous rendiez compte la vie qu'on mène, maintenant. Qu'est-ce que vous aimez, enfin, explique concrètement, c'est quoi que t'aimerais bien? Non, par exemple, quand c'est un exemple tout bête, hein, quand on faisait nos devoirs, par exemple, maman, parfois, moi, elle me dit, oui, moi, je les faisais tout le temps, tout de suite, dès que je les avais, et ça, mais en même temps, elle ne se rend pas compte que ça devient de plus en plus difficile, l'école et tout, parce que Voilà, donc... Comment tu le sais, puisque toi, t'étais pas là à son époque? D'après des sondages et tout, et tout. Et puis elle me dit qu'elle avait couture, machin, bazar. Et nous, à la place de ça, on a arithmétique, enfin, maths, on a histoire, géo. On n'a pas... Enfin, si, on a juste le vendredi après-midi comme atelier, et on a la gym et la piscine. Enfin, ça fait moins par rapport à eux, quoi. Et ils se rendent pas très bien compte que c'est plus dur, nous, que eux, avant. Et ça m'énerve un peu, moi. Okay. T'avais vu ton doigt, je t'ai vu. C'est toujours les petits qu'on se fasse, parce que quand c'est l'aîné qui fait une bêtise, c'est toujours son petit frère ou sa petite sœur qui est en tort. C'est vrai. Bon, en fait, tu vois, des fois, maman ou papa explique un truc et il y a un mot qu'on ne comprend pas. Alors on dit « je comprends pas ce mot-là ». Et puis le grand frère, il dit tout le temps « tu comprendras quand tu seras plus grand ». Alors c'est un peu ennuyant. On a qu'à aller voir au dico. Un dictionnaire. Pour ça, ça, c'est bien ennuyant. Je ne sais pas si ça rejoint un petit peu le sujet, si ça ne va pas trop dévier. Mais pour donner un exemple du fait qu'on tient compte aussi de la vie des enfants, les enfants, enfin vous, peut-être que vous n'en êtes... Vous n'en, oulala, pas grave, ça va, Alice. Vous n'en avez pas rendu compte, mais par exemple, si l'émission d'aujourd'hui se réalise, ça c'est l'aboutissement d'un système démocratique. C'est-à-dire que donc on a voté tous ensemble. Enfin, les enfants ont voté parmi une série de projets, l'un de ces projets étant la réalisation d'une émission de radio, si ça avait été possible, c'est le cas. Donc, je pense que dans leur vie, au quotidien, il y a des situations où on les met dans une situation démocratique, c'est-à-dire ils peuvent donner leur avis, et leur avis est pris en compte. Donc, peut-être qu'ils ne s'en rendent pas compte tout le temps, mais parfois ça arrive. On tient compte de la vie des enfants pour faire des réalisations. Voilà. Moi aussi, des fois, j'ai l'impression que quand les adultes, donc les parents, comme ils sont adultes, je trouve qu'ils, à mon avis, ils en profitent aussi qu'ils sont adultes pour décider des choses qu'ils veulent décider tout seuls. Et des fois, ils ne demandent pas l'avis des enfants, même si il ne leur faut pas tout le temps l'avis des enfants. Même s'il ne faut pas tout le temps? On n'est pas obligé d'avoir l'avis des enfants. Enfin, je veux dire, les adultes aussi doivent faire des choix pour leurs enfants, quoi. D'accord. Ils en profitent, c'est ça, un peu, qu'ils sont grands. C'est ça que tu dis. Ouais. Là, je vois. Ouais. Ah, c'est vrai, quand on est le plus grand. Il y avait une bonne question. Donc vos parents ou les parents sont des tyrans, alors? Non. Ah, ben si. Ils sont comme moi, quelque part. S'ils ont pris ils prennent la décision à votre place sans demander votre avis, ils disent « Allez hop, 9h30 au lit ». Voilà, c'est des tyrans, on n'a rien à dire. Ou à 9h au lit, ou 8h au lit, où on ne peut pas regarder telle émission TV, où on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Donc vos parents sont des tyrans. Oui. Il y avait une question ici, alors. Oui. Mais, moi, je vais vous renvoyer tout de suite la petite balle de l'ascenseur. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, votre attention. La petite balle de l'ascenseur, aujourd'hui on l'entend beaucoup dire comme ça, c'est le règne des enfants rois. J'entends beaucoup dire ça, c'est le règne des enfants rois. Et j'ai même entendu des enfants qui chez eux, c'est eux qui font la loi, quoi. Et je tac. Vous avez l'impression que vous, si vous deviez faire la loi chez vous, ça tournerait bien ou ça tournerait... Ben vas-y, ça tournerait comment? Un petit tour de piste. Allez, ça tournerait comment? Qu'est-ce que tu ferais chez toi comme loi, quoi? Tu vois, ce serait quoi ta loi? Ben des fois ça irait bien, mais des fois il y aura aussi des désaccords. Ouais. Il faut essayer de donner des choses concrètes. Si c'était toi qui faisais la loi maintenant dans ta famille, qu'est-ce que tu veux changer? Qu'est-ce que tu garderais? Je ne sais pas, moi. Il disait, la première chose qui changerait... Ben, c'est l'heure où on est obligé d'aller dormir. Ça te convient pas? Non, tu vas dormir à quelle heure, alors? 8h30. Tu vas dormir tôt? 8h. Raisonnable. Allez, hop. Et toi, qu'est-ce que tu changerais? Allez, une chose comme ça, qui vient de but en blanc, sans réfléchir. Ben, moi, je changerais... Je ne sais pas trop quoi. Toi? Moi, je changerais la loi chez moi qui interdit une PlayStation. Je ne veux pas en avoir. Et toi, ta loi, elle serait « je veux une PlayStation ». Ouais. Ou en Game Boy, c'est la même chose. Moi, ce serait... Enfin, de... Allez, comment... De changer l'heure, enfin, de temps que je peux rester sur l'ordinateur. C'est combien de temps que tu peux rester? Une demi-heure, à peu près. Que ça? Tu restes combien de temps, alors? Une heure et demie, à peu près. Enfin, plus. Encore un peu plus? Oui. Encore un peu plus? Oui. Combien? 3 heures. Encore un peu plus? Oui. Ben, moi, maintenant, j'ai trouvé, je changerai la loi pour l'ordinateur aussi. Ben, moi, je peux pas aller chatter, tout. Enfin, la moitié de mes copains, oui, donc j'aimerais bien pouvoir y aller. Alors, je changerai ça. Et tu sais pourquoi tu ne peux pas aller chatter? T'en as discuté, justement, tiens. Enfin, non, j'ai pas discuté, mais je sais, c'est mon papa, il dit toujours, tu vas pas avant 7 heures, ça coûte trop cher. Il y a une raison pour laquelle tu ne peux pas aller chatter. T'as déjà... Ça coûte trop cher. Ah, okay, vivement que j'aille la DSL. Ça, c'est mieux, ça. Moi aussi, c'est changer le temps que je peux rester sur l'ordinateur. Bon, pour le moment, je crois que je peux rester, je sais pas, peut-être 2 heures, mais encore plus haut, j'aimerais bien. Ce serait bien. Toute la journée. Vous allez tous rester devant votre écran. C'est la nouvelle loi, ça? Un ordinateur à moi tout seul. Règle de l'ordinateur. Et essayez de trouver autre chose, hein, pas tout le monde l'ordinateur. Bah, restez plus tard au lit. Le matin, tu veux dire? Ouais. Jusqu'à quelle heure? Oh. 10h30. Tu veux dire plus aller à l'école alors? Oh bah si. Hein. Ah bah ouais, parce qu'il faut tout le temps... J'ai toujours envie de rester dans mon lit chaque matin alors... Bah, par exemple, essayer de changer pour que l'école commence plus tard. Ah ouais, elle commence à quelle heure? 8h30. On va dire... 3h. 3h30. 3h25. 17h et ça terminerait à 18h. Ça serait bien. Oui. On va voir ce minute. On va pas de récré. Là, j'ai bien le temps d'ordinateur. Avoir plus de sport. Avoir plus de sport? T'en as pas assez? Non. Okay. Tu fais quoi? La loi qui changerait? Pas débarrasser de la vaisselle et pas mettre la table et pas débarrasser la table. Ah, bah, c'est la même chose que toi. Moi, bah, je sais pas. T'as pas d'idée? Non. Tout te convient bien chez toi? Bah non, mais... Il n'y a pas une loi comme ça que tu pouvais rêver? Je sais pas, commencer un peu l'école un peu plus tôt pour aller jouer après, quoi. Pour terminer l'école plus tôt. Bien dit, Gérard. Je sais pas. Non, t'as pas d'idée? Non. T'as une idée comme ça, de but en blanc? Je sais pas. Ben moi j'en ai une. Je terroriserai mon frère. Je serai reine de la maison, bien. Et je lui ferai faire toutes mes charges à ma place parce qu'il fait rien à la maison. Voilà. Et j'irai à l'ordinateur à sa place. Et voilà. Ce sera ma règle, ça. Mais bon, je peux toujours rêver. Hein. Moi, j'aimerais bien avoir un nouveau lave-vaisselle. Parce qu'à chaque fois, c'est Marion, moi et Camille qui devons faire la vaisselle vu qu'on n'en a plus. Et voilà, quoi. Oui. Moi, c'est faire travailler mes parents un peu plus parce qu'à la maison, on rentre à la maison, on ne fait plus notre devoir, on doit aller vite faire aspirer ou alors débarrasser la table du matin. Alors faire si c'est chiant parce qu'après, tu ne peux plus jouer, tu ne peux plus faire tes devoirs, tu ne peux plus rien faire. Mais après, je peux faire mes devoirs. Mais... Ce serait quoi ta nouvelle loi? Qui me dit, fais tes devoirs à la place, quoi. Tes devoirs, c'est plus important que faire la maison. Moi, des fois, je me dis dans ma tête, mes devoirs, c'est beaucoup plus important que la maison, quoi. Donc, voilà. Je sais pas. Une loi de temps qui est chez toi, la maison, sans réfléchir. Qu'on me laisse quelquefois un peu de place en fauteuil. Parce que sinon, il prend toute la place et il se couche dessus. C'est la loi que tu changerais? Oui. C'est un fauteuil pour toi toute seule? Oui. Moi, c'est la télé, les jours de télé, parce que je ne peux pas regarder la télé pendant la semaine et j'aimerais quand même regarder la télé pendant la semaine. Ben, moi, je resterai comme ça parce que c'est la vie, quoi, il faut assumer. Alors moi, je laisse comme ça. J'aurais gardé les mêmes règles. Ouais. Oui. Tu es contente avec les lois qui sont dans ta maison? Oui. Bah, moi, c'est un peu comme Justine, donc les lois, ça me va comme ça, mais j'aimerais bien changer la loi qui interdit d'avoir Internet, parce que ça m'énerve un peu. Voilà. Ben, moi, comme loi, je crois que je changerais, parce que moi, j'aime bien le design et tout. Donc, mais mon beau-père, c'est un espèce de gros économe qui veut rien dépenser. Alors, moi, ma mère, elle m'a donné un peu d'argent pour que, j'achète des trucs Ikea, quoi. Mais mon beau-père, elle a besoin de ça. Est-ce qu'elle doit faire ci? Est-ce qu'elle a vraiment besoin de ça? Donc, moi, j'aimerais qu'il arrête d'être, d'être si peu dépensier. Ben, moi, j'ai pas spécialement quelque chose à dire parce que je trouve que. Les lois à la maison, ben, je trouve. Ben, on est un enfant donc on doit respecter les lois qu'on nous impose. Et voilà. Elle laisse pas dire genre les lois. Sûr, t'as rien à changer? Non. Attends, c'est vrai que c'est. Une plus grande cage. Ben, moi j'aimerais bien changer la loi qui interdit de faire entrer les animaux dans la maison, pour le moment. Parce que mon papa n'aime pas les poils de chat et donc j'aimerais bien qu'ils puissent rentrer tous. Tous ? Oui, parce que j'ai mon chien qui est dehors, qui doit crever de froid en hiver quand il neige. Il va jamais dans sa niche, donc voilà quoi. Et Mousse qui a juste la chaudière. Oui. Ouais, je sais pas. T'as pas une petite idée, une loi non. Comme ça que t'as envie de changer? Non. Des buts en blanc, ça réfléchit. Non. T'es contente? Oui. T'es oui. Contente alors, tout va bien. Oui. Moi, c'est la loi de pas avoir de chien, parce que j'en aimerais bien, mais on peut pas. Ben moi, c'est que les parents aillent coucher à 8h et nous à minuit et d'heure. Pour regarder le film parfois, parce qu'il y a des films qui me plaisent et... Ah non, tu vas dormir. Alors, ça m'énerve. Bon, moi, c'est acheter plein d'animaux, par exemple, bien les animaux, les chiens et les chats aussi. Et j'aimerais bien les faire rentrer. Et aussi, prendre un peu d'argent dans le portefeuille de mes parents pour acheter un nouveau télescope. Mais un très bon, un performant, ouais. Voilà. Je suis pas enfant, moi. Je fais la guerre. Je crois que nous sommes arrivés au bout de notre émission. Nous allons pouvoir couper les moteurs. Mais merci à tous pour votre parole, quoi, le don de votre souffle de vie, de vos yeux qui brillent.